Bonjour, voici Bluesy, une émission proposée par Denis Claraz. Hello et bienvenue à bord. Alors c'était un vrai plaisir que de découvrir ou de redécouvrir ce que nous avons entendu, qui date des années 20 ou 30, je ne sais plus exactement. C'était Blind Willie Johnson avec Dark Was the Night. Ceux qui suivent, je crois, sont tous décédés, ont fait longtemps de carrière ensemble. Il s'agissait d'un trio, voire même d'un quatuor de temps en temps. Ils s'appelaient les Jelly Roll Kings. Ils jouent aussi indépendamment les uns des autres, souvent dans d'autres formations. Écoutons-les tout de suite avec un titre d'un album sorti sur le label Fat Possum. Ça s'appelle Frank Frost Blues. Et apparemment, ils ne sont pas tous dans un état, comment dire, très très net. Bottle down. travel of drinking when you get the blues. But every time you start to drink and drink, you wanna act a fool, bankroll. You better lay your bottle down. Cause if you don't lay your bottle down, drink, that bottle's gonna lay you down. Très belle chanteuse découverte il y a quelques années seulement en Europe, Skylar Rogers avec Moving On. On va diffuser maintenant une formation que nous n'avions jamais programmée encore. Elle s'appelle Mississippi Fever et découvrons ensemble Steal Away Your Love. Tonight, baby, might need a partner in crime. Planning me a heist tonight, baby, might need a partner in crime. So leave the door unlocked tonight, baby. I'll break and enter your heart. Leave the door unlocked tonight, baby. I'll break and enter your heart. Girl, I ain't no angel, sent down from heaven, no. Combination, rocking from left to right. Feeling out your combination, rocking from left to right. Girl, I ain't no angel, sent down from heaven, no. Shadows steal away your love. La différence entre le blues et la soul est quelquefois assez mince, comme va en témoigner ce titre de Syl Johnson, Wind, Blow Her Back My Way. I remember when I told her that she could go if she wanted to. I told her any way the wind blows, it's cool. That's what I said, y'all. But she chose to walk away. I'm back down on my knees, begging please. Wind, wind, wind, blow her back my way. Wind, wind, wind, blow her back my way. I should have begged her one more time to stay, but I didn't think she had the nerve to walk away. Nobody knows how I really need her. Nobody knows how I would just like to see her. But I don't know just where she's at, so I'm begging you, Mr. Wind, please blow her back. Wind, wind, wind, blow her back my way. I just need somebody, somebody got to help me. Oh Lord, sing these blues. Look here, baby. Come. Woo! clairement, c'était un chef-d'œuvre, ou du moins un extrait d'un album qui lui-même était un chef-d'œuvre, Voodoo Man Blues, le titre de l'album, Junior Wells, la vedette américaine, et puis en accompagnateur, Buddy Guy, avec un son absolument sublime, très différent de celui qu'il a ces temps-ci. In the Wee Hours était le nom du titre. Voilà, l'émission est en train de se terminer, donc merci, merci et merci de l'avoir suivi. Quittons-nous en musique avant de se retrouver avec un Français qui, lui, est parti vivre dans les années 80 du côté des États-Unis et il y a fait carrière, M. Paris Slim, Early in the Morning. À très bientôt. Get right. Had a little time with my baby last night. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. I went to all the places where we used to go. Even went to a house, but she don't live there no more. It's early in the morning. To see her girlfriend, but she was out. I knocked on her mother's door, but she began to shout, "Get away from my door, boy!" Ooh, in the morning, early in the morning, and I ain't got nothing but the blues. C'était Bluesy, une émission présentée par Denis Claraz.